cheval. Il pense à ses courses, c'est lui le marshal. Fais gaffe à tes bourses. Sur sa moto, il rêve à ses conquêtes. C'est lui Johnny Joe, regarde ses roues flaquettes. Sur sa fusée, le compresseur cosmique Dédé et ses pendules à l'heure. Sur son bel âne, il tape du pied, c'est lui Jordan, pas besoin de poudrier. Tout se vaut.